6-18. Observation. Exception à la règle, d'accord. Elle a les cheveux blonds. Elle est blonde. Elle a les doigts fins. Elle a les jambes fines. Elle a les cheveux châtains. Elle a les yeux marrons. Notez que les adjectifs blond, fin, etc. s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils modifient. Mais châtain et marron ne s'accordent pas. Ils sont invariables.